Le papillon de François Terrand. Joli papillon du pré qui vole large, phalange un marathon, toucher ce bleu rivage. Mais ciel un jour si blanc aux ailes immaculées, devient parfois si sombre comme feuille tachetée. De l'ombre à la lumière, le souffle de l'identique. Belle prairie épand, le battement phalène. Précoce comme une ondée, printanière au demain, la jaunâtre lumière, tel un fuseau vert pâle. Vous dites-vous peut-être, et vous avez raison, tant de vers l'ont écrit, ou simplement décrit. Le meilleur est en nous-mêmes, et de ces quelques mots, quand arrive mon poème, le papillon éclos.